Actes chapitre 21. Ainsi donc, étant partis, et nous étant éloignés d'eux, nous tirâmes droit à Kos, et le jour suivant à Rhodes, et de là à Patara. Et ayant trouvé là un navire qui traversait en Phénicie, nous montâmes dessus, et partîmes. Puis ayant découvert Cypre, nous la laissâmes à main gauche, et tirant vers la Syrie, nous arrivâmes à Tyr, car le navire y devait laisser sa charge. Et ayant trouvé là des disciples, nous y demeurâmes 7 jours. Or il disait par l'Esprit à Paul, qu'il ne monta point à Jérusalem. Mais ces jours-là étant passés, nous partîmes, et nous nous mîmes en chemin, étant conduits de tous avec leurs femmes et leurs enfants, jusque hors de la ville, et ayant mis les genoux en terre sur le rivage, nous fîmes la prière. Et après nous être embrassés les uns les autres, nous montâmes sur le navire, et les autres retournèrent chez eux. Et ainsi, achevant notre navigation, nous vîmes de Tyr à Ptolémaïe, et après avoir salué les frères, nous demeurâmes un jour avec eux. Et le lendemain Paul et sa compagnie partant de là, nous vîmes à Césarée, et étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous demeurâmes chez lui. Or il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Et comme nous fûmes là plusieurs jours, il y arriva de Judée un prophète, nommé Agabu, qui nous étant venu voir, prit la ceinture de Paul, et s'en liant les mains et les pieds, il dit, « Le Saint-Esprit dit ces choses, les Juifs liront ainsi à Jérusalem l'homme à qui est cette ceinture, et ils le livreront entre les mains des gentils. » Quand nous eûmes entendu ces choses, nous, et ceux qui étaient du lieu, nous le priâmes qu'il ne monte à point à Jérusalem. Mais Paul répondit, « Que faites-vous, en pleurant et en affligeant mon cœur ? Pour moi, je suis tout prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir dans Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Ainsi, parce qu'il ne pouvait être persuadé, nous nous tûmes là-dessus, en disant, « La volonté du Seigneur soit faite. » Quelques jours après, ayant chargé nos hardes, nous montâmes à Jérusalem. Et quelques-uns des disciples vinrent aussi de Césarée avec nous, amenant avec eux un homme appelé Mnason, Cyprien, qui était un ancien disciple, chez qui nous devions loger. Et quand nous fûmes arrivés à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Et le jour suivant, Paul vint avec nous chez Jacques, et tous les anciens y vinrent. Et après qu'il les eut embrassés, il raconta en détail les choses que Dieu avait faites parmi les gentils par son ministère. Ce qu'ayant oui, ils glorifièrent le Seigneur, et ils dirent à Paul, « Frère, tu vois combien il y a de milliers de Juifs qui ont cru, et ils sont tous aidés pour la loi. Or ils ont ouï dire de toi, que tu enseignes tous les Juifs qui sont parmi les gentils, de renoncer à Moïse, en leur disant qu'ils ne doivent point circoncire leurs enfants, ni vivre selon les ordonnances de la loi. Que faut-il donc faire ? Il faut absolument assembler la multitude des fidèles, car ils entendront dire que tu es arrivé. Fais donc ce que nous allons te dire, nous avons 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, et te purifie avec eux, et contribue avec eux, afin qu'ils se rasent la tête, et que tous sachent qu'il n'est rien des choses qu'ils ont ouï dire de toi, mais que tu continues aussi de garder la loi. Mais à l'égard de ceux d'entre les gentils qui ont cru, nous en avons écrit, ayant ordonné qu'ils n'observent rien de semblable, mais seulement qu'ils s'abstiennent de ce qui est sacrifié aux idoles, du sang, des bêtes étouffées, et de la fornication. Paul ayant donc pris ses hommes avec lui, et le jour suivant s'étant purifié avec eux, il entra au temple, en dénonçant quel jour leur purification devait s'achever, et continuant ainsi jusqu'à ce que l'oblation fût présentée pour chacun d'eux. Et comme les 7 jours s'accomplissaient, quelques Juifs d'Asie ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent tout le peuple, et mirent les mains sur lui, en criant, « Hommes israélites, aidez-nous ! Voici cet homme qui partout enseigne, tout le monde contre le peuple, contre la loi, et contre ce lieu, et qui de plus a aussi amené des Grecs dans le temple, et a profané ce saint lieu. Car avant cela ils avaient vu avec lui, dans la ville, Trophime, Éphésien, et ils croyaient que Paul l'avait amené dans le temple. Et toute la ville fut émue, et le peuple y accourut, et ayant saisi Paul, ils le traînèrent hors du temple, et on ferma aussitôt les portes. Mais comme ils tâchaient de le tuer, le bruit vint au capitaine de la compagnie de la garnison que tout Jérusalem était en trouble. Et aussitôt il prit des soldats et des centeniers, et courut vers eux, mais eux voyant le capitaine et les soldats ils cessèrent de battre Paul. et le capitaine s'étant approché, se saisit de lui, et commanda qu'on le lia de deux chaînes, puis il demanda qui il était, et ce qu'il avait fait. Mais les uns criaient d'une manière, et les autres d'une autre, dans la foule, et parce qu'il ne pouvait en apprendre rien de certain à cause du bruit, il commanda que Paul fût mené dans la forteresse. Et quand il fut venu au degré, il arriva qu'il fut porté par les soldats, à cause de la violence de la foule. Car la multitude du peuple le suivait, en criant, « Fais-le mourir !» Et comme on allait faire entrer Paul dans la forteresse, il dit au capitaine, « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Et le capitaine lui demanda, « Sais-tu parler grec ? N'es-tu pas l'Égyptien qui ces jours passés a excité une sédition, et a emmené au désert 4000 brigands ?» Et Paul lui dit, « Certes je suis juif, citoyen, natif de Tarse, ville renommée de la Cilicie, mais je te prie, permets-moi de parler au peuple. » Et quand il le lui eut permis, Paul se tenant sur les degrés, fit signe de la main au peuple, et s'étant fait un grand silence, il leur parla en langue hébraïque, disant,